Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. Samedi 13 octobre, 20h, le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini ouvre sa saison locale en recevant la visite des éclairs de Charlevoix au complexe sportif du secteur Dolbeau. Le coût d'admission est seulement de 8 $. Venez voir du hockey de haut niveau, à faible coût, avec des joueurs d'ici. Go Multi, go! On va parler de baseball. C'est le début des séries de championnat ce soir dans la Ligue nationale. Les Dodgers de Los Angeles vont affronter les Brewers de Milwaukee. Et demain, probablement la série mondiale avant le temps, les Astros et Houston affrontent les Red Sox de Boston. Comme on a fait la semaine passée, on a parlé avec Jacques Doucet. Là, maintenant, on va faire une autre table ronde. Je suis là avec notre autre collaborateur, Marc Griffin. Salut, Marc. Salut. Et Bruno Boudreau, évidemment, qui est de retour. Salut, Bruno. Salut, dame, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Marc, on va commencer avec toi. Ton collègue Alain Giroux écrit sur le site de RDS.ca que c'est la série mondiale avant le temps. Et moi, j'ai tendance à être d'accord là-dessus. Bon, écoutez, c'est 211 victoires combinées de deux équipes qui ont à peu près pas de faiblesse. Là, on pourrait débattre de bien des choses, mais ça reste deux très bonnes équipes qui, selon moi, effectivement, pour être les deux meilleures équipes qui restent parmi les quatre, et ça, j'enlève rien aux Dodgers et aux Brewers, mais ça va être une très, très bonne série, parce que même si sur papier, Houston semble avoir la meilleure équipe, surtout on regarde les lanceurs partants, puis on a ajouté au Big Three Alex Bregman. Mm. Bon, évidemment, Correa, Springer, ça allait très bien, Altuve, mais là, on ajoute Bregman. C'est une très, très bonne équipe. Mais ce que les Red Sox ont fait en saison, ce qu'ils ont réussi à transporter en série contre les Yankees, il y a quelque chose là. Et je pense qu'on va avoir droit à tout un spectacle, mais est-ce qu'on va exploiter le maillon faible de David Price? Ça, c'est une autre question, évidemment. Mais chose certaine, avantage Houston du côté des lanceurs partants. Oui, Bruno, on se l'est fait dire cette semaine. Tu te rappelles, on a dit que les Red Sox vont peut-être frapper leur nœud. Et puis j'étais d'accord avec toi, évidemment, à raison qu'il n'y a pas eu de grande période. On se l'est fait dire cette semaine, en tous les cas. Mais la faiblesse des Red Sox, Bruno, tu es d'accord avec moi que ça pourrait être la relève qui mène à Greg Kimbrough? La longue relève, puis tu sais qu'en série de championnat, ça se gagne par la relève? Puis même, t'as mentionné Craig Kimbrell, il a été très chanceux, on l'a vu dans le match numéro 4. Honnêtement, après le deuxième match, la victoire des Yankees, je pensais que les Red Sox étaient dans le trouble, s'en allaient à New York, puis je les voyais même pas gagner un match à ce moment-là. Ils ont été très, très surprenants, ils ont profité des faiblesses de Severino dans le match numéro 3 pour se donner de l'élan. Puis dans la série, ils ont pris les devants d'à peu près tous les matchs rapidement, et les Yankees ont eu de la misère avec le baseball de rattrapage. Ce qui n'a pas été le cas pour les Astros. Si on regarde la série face aux Indians de Cleveland, les Astros ont tiré de l'arrière dans les deux derniers matchs de la série. Ils ont trouvé le moyen là, dans les manches 6-7 d'aller frapper la relève des Indians. Et quand je compare la relève des Red Sox à celle des Indians, je pense qu'on a des similitudes. On aurait pu donner l'avantage à Cleveland, mais ils ont eu des ennuis. Et du côté de Boston, on voit qu'il y a certains maillons faibles de ce côté-là. Marc a mentionné David Price. Quand je regarde les deux équipes, c'est deux équipes qui sont très, très balancées, très, très partagées, mais c'est difficile d'identifier une faiblesse du côté de Houston. Tu sais, je pense qu'un peu partout, autant dans l'alignement des frappeurs, autant dans la relève avec l'arrivée de Roberto Osuna, on a permis de bouger un petit peu McCullers et tout ça, et autant les lanceurs partants, on parle beaucoup de Justin Verlander, on parle beaucoup de Gerrit Cole qui a eu une très, très bonne saison cette année. On oublie Dallas Keuchel qui est rendu le troisième lanceur, mais qui a gagné Cy Young il y a 2 ans. Donc, on parle vraiment d'une équipe qui est excessivement solide, et c'est là qui fait la différence. Je pense que ça va être une série qui va être serrée, mais on n'est pas vraiment capable d'identifier des faiblesses du côté des Astros, alors que des Red Sox, on a quelques inquiétudes. Donc, ils devront vraiment avoir une performance très solide de leur relève pour espérer avoir une chance. Sinon, plus la série va avancer et plus le talent, je pense, de Houston, qui est un petit peu supérieur, va faire la différence. Hey Marc, je veux te parler de David Price. Comment ça se fait que tu as été un athlète? Comment se fait-il qu'un athlète comme David Price ait une belle carrière? Ce ne sera pas un Hall of Fame, mais ça va être quand même un lanceur gaucher qui va avoir une belle carrière. Comment ça se fait qu'il est si mauvais en série? Ça dépend de quoi? Écoute. Ouais, c'est psychologique, là. Si c'était facile, Bruno et Dan, ouais. je pense qu'on aurait trouvé la solution déjà. Regarde, ça se passe dans les deux oreilles, honnêtement. Ouais. Souvent, là, c'est vraiment la préparation. Puis, il sait que Price, dans ses 10 départs en série, son équipe est 0-10, là. Je veux dire, il sait ça. Fait que, ça ajoute à ta pression, ça ajoute à peut-être à la qualité de tes tirs. Là, le questionnement était pourquoi on le met dans le match numéro 2? Parce que la question se pose. Parce que moi, j'aime pas le fait que Price suive Chris Sale. Moi, quand j'ai joué, puis j'affrontais deux gauchers de suite, puis que le premier était vraiment bon, tu peux être sûr que le deuxième, là, j'étais prêt, puis je vois. Tu comprends, je voulais avoir des meilleures présences au bâton, puis. Mais la réponse est simple, c'est qu'on veut que Price lance à domicile. Okay. La moyenne de probabilité de Price cette année à domicile était à peu près de 2,40, 2,50 et à l'étranger était près de 6, à 5,80. Alors, je comprends évidemment Cora de le mettre dans le match numéro 2, mais écoute, la seule chose que Cora peut faire, c'est de le remettre puis d'espérer puis de souhaiter que c'est le Price de la saison régulière et non des séries. Par contre, faut pas qu'il soit patient avec. Et si ça marche pas dans le premier départ, ben, mets-le en relève où il a connu du succès, puis tu pourras utiliser la carte des Astros l'an dernier où des gars comme Morton ont lancé beaucoup en relève, des gars comme McCullers cette année qui peuvent lancer en relève. Donc, n'oubliez pas qu'Alex Cora était sur le banc des Astros l'an dernier en série. Il a vu comment ça fonctionnait. Alors, il peut découper la page de la façon dont ça fonctionne puis l'amener avec lui à Boston. Ça peut être marque un bon point, Bruno. Ça peut être un certain avantage aux Red Sox, le fait que Cora connaît bien l'organisation, là. Ben c'est sûr, il a connu les joueurs, il a connu la façon aussi que ça se déroule dans le vestiaire, qu'il est capable de voir un peu là, la façon que c'est géré, la façon qu'on amène l'équipe sur le terrain. Puis une chose aussi dans le cas de David Price, puis je rejoins le point de Marc beaucoup là-dessus, tu peux pas l'envoyer sur la route à Houston. On l'a vu l'an passé dans le match numéro 1 dans la série de division, Chris Sale a été malmené par les Astros. C'est un environnement qui, depuis 2 ans, là, il y avait presque plus personne qui allait voir de match à Houston et l'équipe est en reconstruction, on l'avait annoncé. Contrairement à une certaine équipe à Montréal. On l'avait annoncé à Houston qu'on serait en reconstruction. Les foules ont été décevantes pendant quelques années, mais il y avait toujours une base, un 15-20 000 billets de saison. On gardait espoir et dès que l'équipe a remonté, et en plus l'an passé avec la solidarité, avec l'ouragan qui était passé là-bas. Ouais. Donc je pense que ça donne un avantage, comme on a mentionné. Et aussi du côté de Price, ben, probablement qu'une présence en relève par la suite pourrait faire beaucoup plus de sens. Parce que sur une série comme ça, il pourrait y avoir justement peut-être d'autres lanceurs là, qui pourraient aussi prendre le relais pour venir démarrer les matchs. On va peut-être aussi aller avec une rotation à 3. Donc, on a plusieurs options du côté des Red Sox, mais c'est certain qu'on ne pourra pas avoir une très, très grosse patience avec David Price. On n'a pas le temps de le laisser se chercher dans cette série-là. Il faut rapidement être en action. Et donc, Marc et Bruno, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça va lancer? Marc? Ben, là, ce qu'on dit en fait, ça veut dire que c'est pas trop sûr. Ouais. Moi, j'ai dit aussi, je pense que... On te perd, Marc. On te perd. Je sais pas si t'es capable, mais on te perd. OK, là, t'es de retour. Ah. Je suis désolé. Ouais. Je pense que deux départs... OK, Marc, on t'a perdu. En tout cas, Bruno, toi, t'es le temps de tasser quelque part. Bruno, toi, ta prédiction pendant ce temps-là? Ben, j'ai compris entre les branches que Marc choisissait les Red Sox, pas les Red Sox, mais les Astros en 6. Ouais. Et je suis un peu à la même place aussi. J'irai pas jusqu'en 7. Je pense que les Astros ont suffisamment d'éléments pour aller remporter ce match-là avant cette série-là, avant la limite. Fait que je choisis Houston pour l'emporter aussi en 6 matchs. Marc, est-ce que tu es de retour? Donc, c'était bien Houston en 6 que tu prédisais? Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, là? Oui, là, je t'entends bien. Là. Donc, c'était bien Houston okay, en 6. Oui, j'avais dit Houston en 6 parce que je disais que Chris Sale va probablement aider la cause des Red Sox dans ses départs. Ça peut être plus difficile par la suite. Mais comme Bruno a mentionné un peu plus tôt, la profondeur, le talent vont refaire surface davantage. Alors, Houston en 6. Mon cœur serait que, vous savez, je couvre la Série mondiale, fait que j'aimerais ça voir une Série mondiale Red Sox-Dodgers, ouais. Mais j'ai l'impression que ça va être Houston. OK. Moi, je vais y aller avec Houston en 7. Maintenant, on va y aller dans l'autre série. J'espère que les Brewers de Milwaukee vont se rendre, mais j'ai l'impression que ça va être les Dodgers. Est-ce que, Bruno, est-ce que tu es d'accord avec moi? Ben, en fait, quand je regarde un peu, je lisais l'analyse de Marc aussi sur le site de RDS ce matin, puis je suis un peu d'accord. Dans le fond, quand on regarde un peu les deux formations, t'as comme deux forces au monticule différentes. T'as les partants du côté des Dodgers et t'as la relève du côté des Brewers. Puis dans l'ensemble de l'œuvre, quand je regarde cette relève-là du côté des Brewers, t'avais peut-être être capable d'aller te voler des matchs, un match, deux matchs. Ça, je peux voir ça, mais aller gagner une série 4-7, avec cet alignement de lanceurs partant-là, j'ai bien de la misère à m'imaginer comment les Brewers, malgré toutes les prouesses de cette relève-là, malgré Christian Yelich et tous les bons frappeurs qu'il y a dans l'alignement, et l'expérience aussi des gars comme Mike Moustakas, Lorenzo Cain, qui ont gagné des séries mondiales, je vois beaucoup de belles choses du côté des Brewers, mais je vois pas comment ce club-là, dans une série 4-7, pourrait aller battre plusieurs fois des gars comme Clayton Kershaw, qui a connu une meilleure série dans l'année passée que par le passé, Injin Ryu qui est de retour. Donc, on a des meilleurs lanceurs partant du côté des Dodgers. Puis je pense qu'en vous disant que c'est ce qui va faire la différence. OK, Marc, là-dessus? Oui, moi, je suis un peu d'accord. Puis il faudrait que l'attaque des Brewers aussi se mette en marche parce que, tu sais, on peut pas dire qu'ils ont explosé dans la série contre les Rockies. Non. Ils en ont fait juste assez. Mm-hmm. Alors, Yelich, tu peux pas faire tout seul. Il va falloir que d'autres en fassent un petit peu plus. Et moi, si j'étais les Dodgers, bon, j'éviterais un peu Yelich, puis je mettrais toute la pression sur un Ryan Braun ou un Moustakas, justement. L'avantage que les Dodgers ont aussi, c'est que là, on a deux gauchers qui commencent. Ouais. Alors, Kershaw et Ryu. Et même si Yelich a eu du succès contre Kershaw en carrière, ben, des gars comme Moustakas peuvent être un petit peu moins efficaces. Puis bon, on peut mettre de la pression sur d'autres joueurs. Alors, et je rejoins Bruno aussi dans le sens que à un moment donné, c'est bien beau avoir toute cette relève-là, mais sur une longue série de 4-7, on peut commencer à se fatiguer un peu. Là. Alors, je trouve que moi, les Dodgers, inévitablement, ont une équipe qui est un peu plus coriace. OK. Donc, moi aussi, je vais y aller avec les Dodgers, possiblement en 7 contre les Brewers. Ben, messieurs, très intéressant, la table est mise pour les séries de championnat. Ça commence ce soir dans la Ligue nationale, demain dans la Ligue américaine. Marc et Bruno, un gros merci, on s'en parle. Au plaisir, au revoir. Voilà. Bruno. Marc Griffin et Bruno. Bonne semaine.